à sa nature, l'objet tombé du ciel s'est écrasé juste là derrière. J'ai entendu plusieurs explosions, comme des bangs soniques. Le seul indice que nous ayons est un son. Écoute, c'est DJ Phil. Mon Dieu. DJ Phil. House Dance Session. Quand je lui ai demandé de qui il avait si peur, il s'est borné à répéter un nom. DJ Phil. Votre prochaine mission a été validée. L'acceptez-vous? DJ Phil. Mix live. No stop sporting. Are you ready? DJ Phil. Take me there, you lady fair. Hidey, hidey, ho. There's a brook nearby, the grass grows high. sont dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que ceux qui sont assis se lèvent, suive pas. Allez maintenant on y va. Cette soirée là, avant même qu'elle ait commencé, on est déjà dans l'ambiance. À peine entré sur la piste, on lâche notre dernier pas. Avec bien plus de cibles que Travolta. Pas le temps de souffler, dans la foule on part en reconnaissance. C'est la seule chose à laquelle on pense. Chacun fout son numéro pour en avoir un. Vu qu'entré sans rien, y'a pas moyen. Cette soirée là, on brave, on branche. Toi-même tu sais pourquoi, ouais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Dans cette soirée-là, tout le monde dansait, même le DJ. Après un tour au bar, on a mis l'ambiance obligée. Nos vestes, nos chemises en l'air, on faisait voltiger, hey. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé, mais tout est permis dans ces soirées-là. On brave, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Ouais, ouais. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. Mon jean allait craquer quand mes yeux sur elles se sont braqués. Bon là, elle est seule, je fais quoi, je vais lui parler. Non, vaut mieux que je me calme avant d'y aller. Mais qu'est-ce qu'il attend pour venir me voir? Bon, j'y vais, sinon, je vais encore le regretter. Ah enfin, c'est décidé, peut-être que ce soir. T'inquiète, la soirée ne fait que commencer. Cette soirée là, dans la vibe, lève-toi. Que toutes celles qui sont dans la vibe, lève-toi. Que tout le monde main dans la main, suive pas. Allez maintenant tous ensemble, en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, à droite. Cette soirée là, ça. On aime We'll be right back. Shine like a star, shining so bright. never make it. A fall straight from within. Cause it is there if you seek it. So you can get it if you really want to. Tu cours et tu rates ton bus. Tu galopes. galopes, tu galopes ou tu y vas tout chousse. Prends donc le temps de vivre, quand la musique t'enivre, je t'invite à me suivre au-dessus des nuages pour le panorama d'un nouveau paysage. Les rayons du soleil ne brûleront pas ta peau, je t'en fais la promesse donc. Écoute ce qui émane de la voix d'un mélo, un mélo habile qui n'a pas les boules de partager sa passion avec son pote DJ Cool. Toujours en phase, j'évolue sur sa base et mes phrases trouvent le chemin de l'extase pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Les années passées, du temps où le hip-hop était considéré comme une mode, mais il est toujours là et disons passé. La rue est devenue le QG des noms de code. On parlait de fraternité et de paix dans le rap biz. L'Amérique était pour nous tous la terre promise, aussi le hardcore était le plus populaire. Les balles sifflaient dès qu'il y avait de la tension dans l'air. Aujourd'hui je prie pour que les esprits se calment, pour que la mélodie prenne dessus sans verser de larmes. Je vogue sur les flots en compagnie de la musique et des mots, et j'emprunte la voix du mélo pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. J'emprunte la voix du mélo pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. J'emprunte la voix du mélo pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. J'emprunte la voix du mélo pour aller toujours plus loin, toujours plus haut. Et la route sera longue, mais nous garderons l'écoute coûte que coûte pour sortir de l'ombre. La tête sur les épaules et les pieds bien sur terre. La course vers le succès n'est pas la matière première. Le hip-hop pour le groove dans un style très cool. Définition des mélomanes, c'est une affaire qui roule. Voici notre ligne de conduite pour ne pas prendre à zéro. Prends donc la voix du mélo. Voici notre ligne de conduite pour ne pas prendre à zéro. Hey, prends donc la voix du mélo. Les mélomanes vous emmènent en balade sur la gamme pour emprunter la voix du mélo. Et allez, et allez. Toujours plus loin, toujours plus haut. Toujours plus loin, toujours plus haut. for some of that's the weekend pair to my queen and I. In the alleys of Paris, they was eating rats. But it was Philly Mignon for the aristocrats. There was dukes and counts and barons and earls. I gave them the titles, but I kept the girls. Blondes, redheads, wild brunettes. Ladies in waiting, I didn't wait to get. There was truffles for breakfast, tarts for brunch. The line of the Follies Berger for lunch. I got my own life and the bottom of a thing that's in. menina baiana tem um santo que Deus dá. Toda menina baiana tem encanto que Deus dá. Toda menina baiana tem um jeito que Deus dá. Toda menina baiana tem defeito também que Deus dá. Deus entendeu de dar a primazia, o bem pro mal, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também. Deus deu. Deus entendeu de dar toda a magia, o bem pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. Da magia, tudo bem pro mal, primeiro chão na Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também. Que Deus dê. DJ Phil. Je file.